Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur FADJET pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi Yves ? Très très bien. Ouais. Donc François qui est chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et ce mois-ci, eh bien, on va faire un coup de projecteur sur un des habitants de nos rivières. Il s'appelle le barbeau. Alors déjà, quel drôle de nom, le barbeau, d'où ça vient ? Oui, le barbeau, alors on peut imaginer qu'étymologiquement, il a des petits barbillons, hein, si on va parler du barbeau, donc à quoi il ressemble. Oui. Il a des petits barbillons, c'est un poisson qui a comme des petites moustaches qui tombent de part et d'autre de sa bouche. Et du coup, voilà, barbe, barbeau. Bon, alors, on s'est pas trop embêté, il avait une petite barbe, on l'appelait barbeau. Peut-être que c'est ça, je t'avoue que je sais pas, mais j'imagine que c'est ça. Mais ça vient de là, et certainement. Alors à quoi ça ressemble d'autre aussi Alors, c'est un poisson qui est tout bronzé ou tout doré. C'est assez joli, ça a des reflets un peu bronze, cuivre, donc il est un petit peu comme tous les poissons, hein, à chaque fois qu'on décrit un poisson, mais je le répète, il est plus sombre sur le dessus et il a le ventre blanc. Ouais. Alors tout simplement, hein, on rappelle, c'est aussi une caractéristique morphologique pour le mimétisme un petit peu, c'est-à-dire qu'il se confond avec le fond de la rivière qui est sombre quand on le voit du dessus, donc notamment pour les oiseaux piscivores, hein, les martins pêcheurs ou les hérons ou les cormorans, et quand on le voit du dessous, ça se confond avec du coup le ciel qui est au-dessus de l'eau, qui est transparente. Globalement, notre barbeau, il a un corps un petit peu fuselé, bronzé, il est assez puissant. C'est grand, ça mesure combien ? C'est un petit peu trapu. Alors, ça fait, en taille adulte, ça fait environ 40, 50, 60 cm. Ça peut quand même aller jusqu'à 90 cm, voire 1 mètre pour les plus gros sujets. Ça peut quand même être bien costaud. On le retrouve où, particulièrement dans les rivières ? C'est un poisson de rivière, hein. Il a besoin de courant, donc c'est pas un poisson de plan d'eau, c'est vraiment un poisson de rivière. Il a besoin de courant, il a besoin de se nourrir au fond. En fait, il a une grosse bouche, donc avec cette fameuse petite barbe-là. Oui. Un petit peu comme une carpe avec des grosses lèvres, un peu charnues comme ça, un peu vers botoxé. Vers le bas, ouais. Ouais. Donc du coup, il a cette bouche-là vers le bas qui sort un petit peu pour fouiller au fond. C'est un poisson qui est vraiment fouilleur, hein, qui fouille au fond des rivières, donc dans la vase, dans les petits cailloux, dans le sable, pour aller manger des petits crustacés, des petites larves aquatiques. Quoi. Ça vit en solitaire, ça, ou ça vit par bande ? Et ça vit en banc, comme un petit peu tous les poissons. Plus c'est petit, plus le banc est gros, et plus les individus sont gros, plus le banc est petit. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Ouais. Les gros poissons, ça vit en bande, allez, de 3-4 peut-être, alors que des poissons, des barbeaux de 30-40 cm, le banc peut être composé de 20 à 30 individus des fois. D'accord, donc on le retrouve plutôt en rivière, dans des lieux comme le canal par exemple, on en trouve un petit peu ? Alors non, ou très très peu, parce que justement il a quand même besoin de courant, c'est un poisson, en fait on appelle ça un cyprinidé d'eau vive. Il aime bien vivre avec le chevesne et la truite aussi. Alors il est beaucoup plus tolérant en termes de pollution, d'oxygénation de l'eau et de température, donc on retrouve les barbeaux vraiment très en aval dans les rivières. Alors il y en a plein, on va citer les coins de pêche, hein, parce que vous l'attendez tous, je le sais. Sur la Meurthe, il y a plein de barbeaux, sur la Moselle, c'est vraiment les deux rivières principales du département, mais vraiment on retrouve des barbeaux, mais encore une fois, chercher vraiment les courants. Hein. Donc même autour de Nancy, hein, il y a des barbeaux sur la Meurthe. Et après, dans d'autres rivières un petit peu couranteuses, donc le Madon, pas très loin, le Rudema, la Mortagne, l'Orne, quand on remonte un petit peu. Il y a des barbeaux un peu dans toutes les rivières. Et sa pêche, alors, ça se passe comment ? Il faut du matériel particulier ? C'est un poisson qui est assez sympa parce qu'il se pêche à peu près à tout. C'est un poisson qui reste assez opportuniste. Alors, on peut le pêcher avec des petites larves aquatiques, hein, parce que c'est de ça dont il se nourrit naturellement. Mais on peut le pêcher du coup à l'asticot, au ver de terre. Il y a un truc qui marche bien, attention, c'est du fromage. Du fromage. Je rigole pas, ça marche bien. Allez voir sur internet, c'est une technique qui est connue, donc le barbeau au fromage. Il y en a qui pêchent aussi avec de la vache qui rit. Alors au feeder aussi, on avait déjà parlé de la pêche au feeder. Le feeder, c'est une petite cage dans laquelle on met de l'amorce ou des asticots, ou justement là pour le coup du fromage, et qu'on accroche à la ligne à côté de notre appât pour amorcer un petit peu le coup. Le barbeau, il peut se pêcher aussi au leurre, à la cuillère, parce que c'est un opportuniste. Il n'hésite pas à croquer un petit poisson de temps en temps aussi. Et il peut se pêcher à la mouche. Alors, pas en mouche sèche. Donc, la mouche sèche, je rappelle, c'est celle qui flotte à la surface de l'eau, qui imite un insecte adulte. Mais vu qu'il se nourrit au fond de larves, À la mouche, on peut pêcher avec des nymphes, des imitations de larves aquatiques, et on peut pêcher comme ça, donc aussi au toc, hein, à la pêche au toc, on en avait déjà parlé. Donc voilà, c'est un poisson multi-technique. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Par contre, dans son comportement, on l'a dit, c'est un poisson qui reste plutôt collé au fond de l'eau. Hein. Ouais, il reste collé au fond, et une fois qu'on l'attrape, il reste aussi bien collé au fond. Du coup, on l'a vu, il a un corps quand même bien trapu, des bonnes nageoires, c'est un poisson de courant, hein, donc il faut être costaud. Et en fait, une fois qu'on l'attrape, il défend vraiment bien chèrement sa peau. Et c'est un poisson qui est connu pour faire des combats de ouf, quoi. C'est un combattant. Ouais. Il fait vraiment des gros rushs, il tire tout ce qu'il peut. Vraiment, moi, j'adore ce poisson. C'est super beau. Et je trouve qu'il a tout pour être un poisson cool. Il se pêche à toutes les techniques. Il est beau. Il est là. Il vit dans le courant. Il chill comme ça, tranquille. C'est génial, je trouve. Donc le barbeau à retrouver dans nos rivières, faut pas hésiter, hein, y aller. Ouais. Et à bien s'équiper, parce que si c'est assez costaud, après, comme tout à la pêche, il faut quand même faire attention un petit peu à son matériel, donc bien s'équiper, bien faire ses nœuds, etc. On fera une émission sur les nœuds peut-être un coup. Ah oui, alors, ça sera pas facile forcément de montrer ça comment à la radio, mais on en parlera exactement, parce qu'il en existe énormément. Ah ouais, il y en a plein, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce poisson ? Y a une période de l'année peut-être plus propice ou au contraire, il faut éviter ? Pas forcément, là on est en été, donc c'est la période aussi propice pour aller à la pêche, pêcher aussi d'autres espèces. Hein. On parle du barbeau, mais évidemment, il vit pas tout seul dans la rivière, donc on pourrait aller observer le chevesne, son petit cousin le goujon, qu'on peut pêcher à la brouillée, là on en avait parlé aussi, donc les pieds dans l'eau, où on gratte le fond comme ça. Mais on n'est pas à l'abri de tomber justement sur un barbeau quand on pêche à la brouillée, ça fait drôle. Ça peut surprendre, oui. Ouais. Faut y aller. Puis comme tous les poissons, faut le respecter. Je sais même pas trop si c'est bon ou pas, je crois que c'est pas terrible. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de recettes ou que les gens mangent vraiment les barbeaux. Donc, si quelqu'un a une recette, qui n'hésite pas à nous la communiquer sur la page Facebook de la Fédération, par exemple. Ouais. Ils te contactent directement à la Fédération pour envoyer leur petite recette de barbeau. C'est ça. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Allez, un petit point sur l'actu de ce mois. Il y a des choses à faire, il y a des bons plans aussi. Oui, alors justement, si vous avez envie d'aller pêcher le barbeau, vous pouvez y aller avec une carte spéciale été. Donc la Fédération et les associations de pêche de Meurthe-et-Moselle ont décidé de baisser le prix de la carte à la journée pour l'été, pour la rendre plus accessible. Donc en fait, on est passé de 16€ la journée à 10€. Voilà, une journée de pêche. Donc c'est dispo sur le site cartedepêche.fr. Et puis chez tous les dépositaires de cartes, donc les détaillants d'articles de pêche, les magasins et les structures qui vendent des cartes de pêche, la liste est sur notre site internet. Oui. Donc 10€ la journée du 1er juillet au 31 août. Donc on n'hésite pas. Et pareil, sur cette période, il y a aussi des occasions pour s'initier à la pêche avec des ateliers. Tout à fait. Les fameuses initiations pêche en famille qu'on fait à Liverdun, on en avait déjà parlé, hein. Ça fait quelques années qu'on travaille sur Liverdun avec l'association de pêche de Toul et puis la commune. Donc c'est un parcours qui est labellisé famille et on propose du coup, avec moi, des initiations pêche en famille. Donc vous pouvez venir avec vos enfants, vous inscrire. Alors il faut s'inscrire, hein, je le rappelle, sur le site de la Fédé, www.pêche-54.fr. Je vous donne les dates, il y a deux dates dans l'été, le 20 juillet de 9h30 à 11h30 et le 26 août de 17h à 19h. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter François directement à la Fédération pour tout ça, avoir plus d'infos. Merci beaucoup François, on se retrouve en septembre. Et oui, je finis, alors j'ai quatre petits concours de pêche quand même, oui, parce que les APPMA font des trucs. Il y a deux concours le 9 juillet, donc un concours de pêche de la truite sur la Mortagne à Moyen, ça se passe au terrain de foot, et un concours aussi le 9 juillet de pêche du poisson-chat à Lunéville sur les étangs. Et il y a deux concours le 14 juillet à Pont-à-Mousson et à Jarville de pêche au cou. Tous les renseignements sont sur l'agenda du site de la Fédération. www.pêche-54.fr. C'est ça. Et là, cette fois, je te dis en septembre. À bientôt. À bientôt. Et puis au mois d'août, on rediffuse des émissions de cette année. Donc au fil de l'eau, n'hésitez pas à nous suivre tout l'été sur Fadjet. Génial. Et on reste dispo à la Fédé pour la moindre question concernant la pêche et les poissons et les milieux aquatiques. À bientôt. À bientôt, bel été à tous. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.